Je sais qu'on me tuera bien avant que je meure, et je connais mon assassin. Mon assassin sera une jeune fille. Elle n'est pas née encore, mais demain elle sera là sur mon chemin, parfaite des cheveux aux chevilles. Et moi j'aurai 20 ans, 20 ans de plus. J'aimerai toujours la nuit, le soleil. Je me croirai presque pareil, en somme, au jeune homme que je fus. C'est alors qu'elle et moi, on se rencontrera. Elle arrive, je la vois, un garçon à son bras. Ils sont beaux, le monde est beau, et moi aussi, pourquoi pas? Oui, je suis pareil à eux, alors je leur souris et je passe, et dans mon dos, elle dit ces mots. T'as vu le vieux? Le vieux. Le vieux. Mon assassin sera cette jeune fille qui n'est pas née encore. Mais demain, elle passera sur mon chemin et moi, je cesserai de vivre. Je n'aurai plus de nuit ni de matin. Je n'aurai plus en moi que du vide. Il n'y aura plus que des rides au creux des lignes de ma main. Il n'y aura plus de jeune fille. Il n'y aura plus d'assassin.